Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public, de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 10. Histoire de la robotique, la vie artificielle. Encore un pas plus loin sur l'axe de l'intelligence artificielle dotée d'un corps et située dans un environnement. La vie artificielle est le nom donné à une nouvelle discipline fondée par Chris Langton et qui rassemble des scientifiques d'origines variées, des chimistes, des biologistes, des physiciens et des informaticiens. Leur but est de tenter de reproduire le phénomène biologique de la vie, soit par des simulations par ordinateur, soit par des expériences hautement contrôlées. La vie artificielle se définit comme complémentaire de l'approche analytique traditionnelle en biologie. La chimie, en tant que discipline, a d'abord débuté par l'analyse des éléments chimiques qui se produisent naturellement et s'est poursuivie par la création de classements jusqu'à la synthèse de nouveaux éléments, permettant aux chimistes de comprendre la relation entre la structure et la fonction, celle de l'ADN comprise. La connaissance et la maîtrise de ce qui a contribué à la création d'une gamme infinie de nouveaux produits s'appliquant à la vie de tous les jours. L'approche de la vie artificielle est moins analytique et plus synthétique. Plutôt que de déterminer comment fonctionne un organisme vivant, son objectif, c'est d'essayer d'organiser des systèmes qui agissent comme des organismes vivants afin de créer de nouvelles formes de vie. Fin de cette 10e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.